Yesterday, I began to speak about the first jnana and what blocks it, the obstacle to that. Hier, j'ai commencé à vous parler de jnana et de ce qui va faire obstacle au jnana. Nous devons maintenant étudier un peu plus à fond le premier de ces jnana, c'est nekama, le renoncement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du premier de ces jnana, c'est-à-dire de nekama, le renoncement. Je vais également parler de vipassana kusala, les mérites liés à la pratique de vipassana. Je vais expliquer en parallèle vipassana kusala, la pratique donc de l'action méritoire de vipassana, et comment kamachanda, le désir sensuel, lui fait obstacle. La concentration vipassana, vipassana samadhi, est également appelée kanika samadhi, la concentration momentanée. La concentration momentanée, la concentration vipassana, résulte d'une observation constante et pénétrante de tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de soi, que ce soit physique ou mental. Donc, pour résumer, la concentration momentanée, kanika samadhi, c'est le résultat d'une observation constante et ininterrompue de tous les phénomènes physiques et mentaux qui vont se manifester par les six portes sensorielles. Si vous n'observez pas les objets physiques et mentaux qui se manifestent à chaque instant par l'une ou l'autre des six portes sensorielles, votre concentration ne va pas se développer. Votre esprit restera éparpillé. Vous ne verrez pas, vous serez incapable de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux qui se manifestent en vous. Et bien sûr, en conséquence, il n'y aura pas non plus la compréhension des causes et des effets. Vous ne comprendrez pas, par expérience personnelle, que ces phénomènes sont reliés entre eux par un lien de causalité. Et si vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, ni les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, si vous ne faites pas la distinction entre ces deux types de phénomènes, si vous ne comprenez pas les causes et les effets, vous ne comprendrez pas non plus les caractéristiques générales des phénomènes, c'est-à-dire leur caractère impermanent, ils apparaissent et disparaissent constamment, leur caractère insatisfaisant et leur caractère impersonnel, insubstantiel. Il y a un proverbe ou une sentence qui dit: celui qui ne voit pas, qui ne comprend pas, qui ne note pas, s'attache. Et si on s'attache, le désir pour l'objet qu'on est occupé à observer va se manifester, et également le désir pour des objets du même type. Par contre, si celui qui note, qui comprend, qui voit, lâche prise. Ceci veut dire que le yogi qui observe sans interruption tous les objets qui se manifestent en lui, de façon précise, à l'instant même où il se manifeste, va voir son esprit se concentrer. Le méditant, qui donc développe kanika samadhi, la concentration momentanée, va tôt ou tard en arriver à voir la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il va voir également que tous ces phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître à l'intérieur de lui et qu'ils sont reliés par un lien de causalité. Le méditant va donc réussir à voir que ces phénomènes physiques et mentaux n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître à l'intérieur de lui. Il va comprendre, expérimentalement parlant, que tous ces phénomènes sont reliés entre eux par un lien de causalité, et ayant ainsi développé cette compréhension, il va devenir automatiquement capable de percevoir leur caractère impermanent, leur caractère insatisfaisant et leur caractère insubstantiel. L'objet qui est observé va ainsi ne pas faire apparaître dans l'esprit du yogi l'attachement ou le désir. Et ce sera la même chose pour les objets qui ne sont pas observés. Il n'y aura plus ni attachement ni désir. Vipassana kusala, l'action méritoire qui consiste à développer vipassana, est donc ainsi appelée nekama, c'est un renoncement, parce qu'elle libère l'esprit, elle libère le méditant du désir. Les êtres nobles réussissent à s'extraire de la souffrance, à s'échapper grâce à la pratique de vipassana, grâce à vipassana kusala. Lorsque leur développement de vipassana aura atteint sa pleine maturité, ces êtres réalisent ce que l'on appelle le chemin et le fruit, et finalement nibbana. Ils réussissent ainsi à se libérer du cycle de la souffrance. Et vipassana kusala est donc une jnana. Donc, un être noble, c'est un arya. Noble veut dire quelqu'un qui est totalement pur. Il a atteint la pureté parfaite, parisuddha. Être ainsi devenu un être parfaitement pur est quelque chose d'excellent. Donc, un être noble, c'est également un être qui est excellent. Et il a réussi à obtenir tous ses bénéfices par sa pratique de vipassana kusala. Donc, kamachanda, le désir sensuel, est un jnana warana. Donc, c'est le contraire de jnana, c'est ce qui va bloquer le développement de cet instrument qui permet de s'extraire de la souffrance. Kamachanda, le désir sensuel, c'est le fait d'aimer les contacts sensoriels, d'avoir du désir pour ces contacts et de l'attachement pour ces contacts par les portes sensorielles. Nous désirons toujours avoir des contacts sensoriels agréables. Nous souhaitons en avoir de plus en plus. Et ceux que nous n'avons pas encore, nous le souhaitons également. Comment cet empêchement, Kamachanda, va-t-il empêcher le développement de Vipassana Kusala? D'un point de vue de ordinaire, du point de vue du monde ordinaire. Dans la vie, nous avons toutes sortes d'attachements, nous avons toutes sortes de choses à faire, nous désirons toutes sortes de choses. Donc, dans la vie, nous avons toujours toutes sortes de choses à faire. Nous sommes toujours occupés à ceci ou à cela. Nous n'avons aucun repos. Les choses à faire se présentent sans cesse et constamment à l'infini. Et tout ceci est dû au fait de désirer la prospérité. C'est pourquoi l'empereur Asoka a fait graver sur des pierres de marbre, l'être humain agit pour lui-même, dans son intérêt personnel. Donc en général, ce qui se passe dans la vie, c'est que on fait toujours des plans, on recherche toujours ce que l'on n'a pas encore. Et lorsqu'on obtient ces choses, on en jouit, on s'y complaît. Donc les gens sont toujours occupés à rechercher quelque chose, à se faire des efforts pour obtenir ce qu'ils n'ont pas. C'est sans fin. Et ceci est surtout vrai dans nos pays occidentaux réputés évolués. Ici, nous pensons que nous avons accès à tout, qu'il suffit de tendre la main pour obtenir ce que l'on veut. On pourrait dire, certains disent parfois, les Orientaux disent parfois des Occidentaux, qu'ils sont dans le monde des Devas. Un monde donc céleste où les êtres obtiennent instantanément ce qu'ils désirent. Les étrangers qui veulent se rendre en Occident sont persuadés que l'Occident est un paradis où tout peut être obtenu très facilement. Il y avait une dame qui parlait avec Sayadaw Upandita et Sayadaw Upandita, comme elle vivait en Occident, lui dit: Oh, vous êtes arrivé au pays des Devas. Et la dame lui dit: Non, pas du tout, Sayadaw, c'est pas du tout ce que l'on croit. Quand on arrive ici, on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Il faut travailler énormément pour l'obtenir et faire beaucoup d'efforts. Et en plus de cela, on n'a jamais de repos. C'est sans fin. Le désir est sans fin. Les êtres ne pensent même pas à pratiquer Vipassana. Ils ne pensent même pas à développer la connaissance qu'elle amène. Et s'ils le font, ils le font, mais sans beaucoup de compréhension. Ils ne savent pas que l'esprit est quelque chose qui peut être éduqué et qui doit être éduqué. Les gens ne savent donc pas que l'esprit est quelque chose qui doit être développé de façon à être contrôlé. Ils prennent plaisir à toutes sortes de choses dans le monde, ils s'amusent beaucoup, ils parlent beaucoup de leurs expériences et s'y complaisent. Et ils en veulent toujours plus. Et si par hasard ils se mettaient à pratiquer la méditation, ils le font, mais ils ont très peur de perdre tous ces plaisirs auxquels ils sont attachés. Donc, les gens ne pratiquent pas, mais s'ils ne pratiquent pas, ils ne pourront pas développer la connaissance vipassana. Ils ne découvriront pas le Dhamma. Ils n'atteindront pas la libération. Ainsi, ils s'empêchent eux-mêmes d'atteindre la libération. Les gens vont alors faire une comparaison entre ce qu'ils sont susceptibles d'obtenir par la méditation et le bonheur qu'ils obtiennent par les contacts sensoriels agréables. Ils décident alors de rester dans ces contacts sensoriels agréables et c'est ainsi, de cette façon, que le désir sensuel, Kamachanda, est un empêchement à la méditation, un empêchement à la libération. Les gens ne voient pas les défauts de Kamasukha, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Ils sont incapables de voir par eux-mêmes que ces plaisirs ont des manques. Ils ne vont donc pas pratiquer. Et s'ils ne pratiquent pas, ils ne verront pas non plus le bonheur qu'amène la pratique du Dhamma. Ils ne comprendront pas ce bonheur supérieur. Et donc, de nouveau, ils ne seront pas enclins à pratiquer. Mais Kamachanda, le désir sensuel, fait donc naître le plaisir. Et si les gens ne comprennent pas Dhammasukha, le bonheur du Dhamma, ils resteront dans les plaisirs sensuels. Donc le désir sensuel va se manifester dans leur vie, mais également au cours de leur pratique. Avant la retraite, les gens expérimentent beaucoup de désirs sensuels, du plaisir qui s'enracine dans les contacts sensoriels agréables. Mais ce désir sensuel peut également se manifester pendant la méditation et s'infiltrer entre nos annotations. Donc ce plaisir sensuel, ce plaisir va se manifester au cours de la méditation. Les gens expérimentent des choses agréables, des choses intéressantes, et ils sont heureux. Ils repensent à ces expériences et de nouveau, ils sont heureux. S'ils ont une bonne méditation, ils vont voir la joie s'installer en eux, dans leur esprit. Les gens espèrent et recherchent les connaissances vipassana. Ils espèrent qu'elles vont se développer en eux et ils espèrent même expérimenter Nibbana. Mais en fait, à ce stade, le yogi n'a pas encore expérimenté Nibbana. Il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il ne le connaît qu'intellectuellement. C'est une connaissance par inférence. Si la méditation progresse, le méditant va tôt ou tard expérimenter piti, la joie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il en est arrivé là, il va expérimenter toutes sortes de choses très agréables dans son corps. Il expérimente le confort et tout cela est vraiment très positif. Et je ne mentionne que quelques expériences agréables qu'il pourrait avoir, il y en a énormément. Donc, toutes ces expériences agréables que le yogi expérimente à ce moment-là sont en fait le résultat de la concentration. Mais le yogi est persuadé qu'il a atteint quelque chose d'exceptionnel, il trouve ça formidable et il va se mettre à avoir du désir pour ses expériences. Si le yogi n'a pas de désir dans son esprit, lorsqu'il expérimente ce type de sensation agréable, automatiquement, la conscience vipassana va se manifester et les annotations vont devenir ininterrompues. Elles ne seront pas perturbées par ce désir. Si par contre ce désir est présent dans son esprit lorsqu'il expérimente ces sensations très agréables, elles vont devenir un empêchement à vipassana, un empêchement à la conscience vipassana. Donc même si les annotations ont atteint un très bon niveau, mais que le yogi a du désir pour cette bonne méditation, instantanément, sa méditation va se détériorer et les annotations ne se feront plus de façon continue. Et en conséquence, le yogi va de nouveau se sentir malheureux. Il y a une analogie à ceci dans les pays d'Amérique, au Canada, dans certains pays d'Asie, il y a une fête au cours de laquelle on va mettre de la graisse ou de l'huile sur un poteau. Et on va demander aux gens d'essayer de monter sur ce poteau. Donc, ce poteau enduit de graisse est dressé et les gens sont invités à essayer de monter sur ce poteau. et d'atteindre le sommet. Alors les gens commencent et puis ils procèdent très lentement, ils réussissent à arriver presque au sommet et puis ils sont pris par la joie et le désir parce que le succès est très proche. À cause de ce désir qui s'infiltre dans leur esprit, ils sont complètement perturbés et ils dégringolent et donc ils ont raté leur coup et donc ce poteau enduit de graisse est devenu le symbole de la personne qui rate son exploit tout à la fin. Tout ceci explique donc comment la connaissance vipassana, l'action méritoire de vipassana est entravée par le désir. C'est pour cette raison que Kamachanda, le désir sensuel, est dit empêcher la connaissance de vipassana. Le désir sensuel empêche le méditant d'expérimenter vipassana. Et vipassana, c'est l'instrument qu'utilisent les êtres nobles pour se libérer de la souffrance. Donc, cette connaissance de vipassana à laquelle ils n'ont pas accès à cause du désir, ce n'est pas une connaissance théorique, c'est la véritable connaissance, la connaissance expérimentale. Et cette connaissance expérimentale, ils ne l'ont pas. Donc, c'est pour cette raison que Kamachanda, le désir sensuel, est un niyana-warana, un empêchement qui va bloquer la pratique du méditant. Donc, Vipassana Kusala, l'action méritoire de Vipassana, est appelée Nekama, le renoncement, mais c'est également une Niyana, c'est-à-dire un instrument qui va nous permettre de nous extraire de la souffrance. Si nous voulons nous libérer de la souffrance, nous devons faire confiance à Vipassana et la pratiquer. Kamachanda, le désir sensuel, va donc bloquer la pratique. Cette Kamachanda est également dite Niyana-warana, est donc un empêchement à la pratique, tout simplement parce que ce désir va nous empêcher d'observer notre corps, de pratiquer, de noter tous les objets qui se manifestent à chaque instant. Et cette Kamachanda, si le désir se manifeste dans votre esprit, il doit donc être éliminé. Et vous allez l'éliminer, nous allons l'éliminer en observant attentivement et sans interruption tous les objets qui se manifestent à chaque instant. Donc, nous aurons deux attitudes à adopter, la prévention et le fait de soigner la maladie qui est déjà installée. Mais le plus important, c'est de prévenir. Nous devons donc prévenir cette maladie avant qu'elle ne se manifeste. Lorsque nous pratiquons Vipassana et que nous observons les différents objets qui se manifestent à chaque instant, c'est comme si nous gardions l'esprit. Nous établissons une attention ininterrompue en nous et cette attention ininterrompue va nous protéger contre l'intrusion de ce Kamachanda. Mais si Kamachanda est déjà en nous, qu'elle a réussi à s'infiltrer dans l'esprit, il faudra alors s'en débarrasser, soigner cette maladie. Et petit à petit, nous allons ainsi prendre l'habitude de nous en protéger et de la soigner si elle est déjà là. Et l'esprit va s'habituer à se protéger ainsi de cet empêchement. Demain, je parlerai des connaissances vipassana. J'en ai déjà parlé un petit peu. Les premières étant la différence entre l'esprit et la matière et les causes et les effets. Je parlerai également des composantes de l'expérience sensorielle. J'en ai déjà parlé un petit peu. Je vous ai expliqué qu'il y a l'oreille, il y a le son, il y a le contact entre ces deux choses, la conscience auditive, etc. Je vais expliquer en détail le processus de l'audition et des autres organes sensoriels. Je vous parlerai également des causes et des effets. Je vous encourage donc à essayer de vous libérer du désir sensuel, essayer de trouver la méthode qui va vous permettre d'y arriver, observer sans interruption tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant avec effort et en visant l'objet, essayer de prévenir la maladie et de développer ainsi les connaissances vipassana. Sadhu, sadhu, sadhu. So, with the objective of gaining freedom from sense desire and the bondage of suffering, I hope that you will all be able to apply the method placing the mind on the body to observe the objects that are as they arise, aiming and making effort, aiming the mind and making effort to observe steadfastly and effectively, and trying to create this protection in advance from defilements. In doing so, may you be able to develop Vipassana knowledge fully and realize liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.